Le mot pour dire tard, tard, est late. Late. Late s'écrit L-A-T-E. L-A-T-E. Late. Late. Alors, comment dites-vous « il est tard » ? It is late. It is late. It's late. C'est très tard. Il est très tard. It's very late. It's very late. Trop tard. Trop tard. Too late. Too. Too. Too. Too s'écrit T-O-O. Too late. C'est trop tard. It is too late. It is too late. It's too late. Ce n'est pas trop tard. It isn't too late. It isn't too late. Ce n'est pas si tard. It's not so. Yes. It's not so late. Right. It's not so late. It's not so late. Alors, comment dit-on très tard? Very late. Very late. Trop tard? Too late. Too late. Si tard? So late. So late. En anglais, pour dire plus tard, plus tard, on ajoute er au mot. Donc, on ajoute er au mot late. On dit later, later, later. Later veut donc dire plus tard. Later. Once more. Encore une fois. Tard. Late. Late. Plus tard. Later. Later. Later. Later. Le mot pour dire vite est fast. Fast. Fast s'écrit F-A-S-T. Fast. Fast. Alors, comment dit-on très vite? Very fast. Trop vite. Too fast. Si vite. So fast. Plus vite. Faster. Good. Faster. Faster. C'est trop vite pour moi. It is so fast. Trop vite. Ah oui. Too fast. Once more. It is too fast for me. It is too fast for me. Right. It is too fast for me. It is too fast for me. Pas si vite. Pas si vite. Not so fast. Right. Not so fast. Not so fast. S'il vous plaît. Bon, ça c'est facile, hein. Please. Please. Please s'écrit P-L-E-A-S-E. Please. Please. Alors, pas si vite, s'il vous plaît. Not so fast, please. Not so fast, please. Not so fast, please. Parce que, en anglais, se dit because. Because. Because s'écrit B-E-C-A-U-S-E. B-E-C-A-U-S-E. Because. Because. Je veux, en anglais, se dit I want. I want. Veux se dit want. Want, eh bien, ça s'écrit W-A-N-T. I want. I want. I want. I want. Je sais. Ah, un petit effort de mémoire. I know. I know. I know. No, I know. Comment s'écrit no? K-N-O-W. Eh oui, mais on ne prononce pas le K. C'est la même prononciation que pour no. No. I know. No. I know. I know.